at a few minutes before 12. Réfléchissez une seconde pour élaborer mentalement. Prenez comme l'inspiration d'un soupir. Tout cela vous évitera. Étendez votre taille. Tout cela vous évitera beaucoup de fatigue. Réfléchissez une seconde pour élaborer. Tout cela vous évitera beaucoup de votre taille. Une seconde pour élaborer. Une seconde pour élaborer la réponse. Réfléchissez une seconde. La taille détendue comme l'inspiration d'un soupir. Détendez votre taille. Réfléchissez une seconde. Je peux pas. Je me trouve. Un soupir. Détendez votre taille. Les jolies femmes en voyage dans un hôtel cherchent à vous enjouer. La chair est faible. Quand on attend, on s'énerve. Une jolie femme en voyage dans un hôtel cherche à vous enjôler. Pensez à contracter. Vous allez penser à penser. C'est une seconde pour élaborer mentalement votre réponse. Vous pouvez même regarder votre partenaire dans les yeux. Bien franchement. Bien profondément. Votre partenaire dans les yeux. Engagez votre cou et vous lui dites. Je ne peux pas parler. La voix ne peut pas sortir. On entend sans lever la tête. Première partie de la phrase, comme vous venez. Je rentre mon menton sur mon cou et je ne s'étouffe pas parce que je ne peux pas expirer. J'étouffe quand même. En criant, ma colère. Les voiles sont trop serrées de la voix la écrasée. Les cordes vocales sont trop serrées et verticales. Votre tête s'est roulée sur le mou. Tout cela vous évitera beaucoup de fatigue. Dégagez votre cou et vous lui dites. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas dormir. Et non pas. Merci, madame. Je suis occupé ce soir. Affaire est faible. La chair est faible. Ah, vous ne voudriez pas un refus. Bonne chance. Sur la moi. Thank you very much.